gosse qui n'arrête de faire ta victime. C'est mort, ça et c'est vrai. Sale fils de pute de skin. J'baisse ta mère, ton grand-père, ta grande sœur et même ta femme. C'est mort, ça, j'suis déterminé. Et comme d'hab, j'habite une meuf au chicken, chica, chiquita. Tu te retrouves en dessous de mes draps. C'est la hala pour moi, je vise le million. Mais en bas de mes tours, j'vois que de l'horizon. Pas la mer, mais la prison. Hezba, fais de l'oseille, dors pas, pense à ta mima. Fais de la thune et nique la hala. Algérie, c'est le dawa roya. Algérie, Marnia, ou t'as l'aime, c'est noir là. Je chante pour tout le monde. De la galère, les braquages se font toujours en hiver. Fais comme Orsay, porte les pulls truands de la galère. Ma belle, mets le son à fond. Écoute les buts de la saison. Je chante pour truands de la galère. C'est la bonne. Et s'il n'y a pas de rachat, le béto. T'inquiète, coquine, t'arriveras jamais à la suite, ma grosse bite. Gère le succès tant que je suis en vie, jusqu'à la fin de ma vie. Je représente pour toute ma famille. Je chante pour tout le monde.